L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Ceci est un jardin participatif, cueillette libre contre coup de main. Ouais, c'est énorme. Moi je pense qu'il faut attendre qu'Antoine ait fini de déménager ses affaires du conteneur bleu. Il va pas les laisser là, tu sais. Non. Ouais. Est-ce que ça se monte une poule, genre est-ce qu'elle va comprendre un jour que... Bah en fait il faut la virer tout le temps et... Alors si, il y a une technique. C'est que quand elle fait quelque chose qui te plaît pas, par exemple si elle va manger dans ton jardin potager, dès qu'elle fait ça, tu l'attrapes et tu la renfermes dans son poulailler. Elle est là, vraiment. Si tu fais ça, non, là, elle comprend pas la première fois. En fait, il faut bien imaginer qu'ici, on est en zone périurbaine, enfin même urbaine, mais vraiment très très proche de Paris. Mais qu'avant, c'était la campagne ici. Et avant, on produisait des légumes, des fruits, enfin suivant les communes qui entouraient Paris. Ici, qu'est-ce qu'on produisait à Bobigny? Alors, Bobigny, c'est effectivement un territoire agricole jusque dans les années 70. Puis avec l'agrandissement de Paris, en fait, sont venus s'installer les maraîchers parisiens qui ont été repoussés des portes de Paris et donc qui sont venus s'installer là. Donc on a eu deux communautés agricoles, mais vraiment différentes. C'est-à-dire que le maraîcher parisien, c'est déjà un agriculteur urbain, puisqu'il pense une production qui est tournée vers la ville, alors que le cultivateur, c'est vraiment un mec de la campagne et qui connaît finalement très peu Paris, puisqu'il a très peu l'occasion d'y aller. Donc là, on a déjà des populations très différentes qui se côtoient. Et donc le maraîcher parisien est venu avec d'autres techniques, etc. Donc plus le primeur, il avait plutôt la culture de légumes. Donc le circuit court, qui existait et qui a disparu et qui est en train de revenir. C'est ça, c'est-à-dire que en fait les maraîchers, il y a un peu de littérature à ce sujet, en fait montre très bien que l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui était pratiqué depuis très longtemps en fait, puisque dès la création des villes, il y a en périphérie des villes un milieu agricole très tourné vers la ville et très proche de la ville, dans son comportement, dans son fonctionnement. On est dans un environnement hyper urbain et on arrive ici et sur donc une ancienne friche, vous avez eu l'idée de faire pousser des plantes. C'est quand même quelque chose de pas banal. Oui, c'est sûr qu'il y avait un petit pari au départ. Après, en fait, on voulait montrer aux gens que la nature reprend assez facilement ses droits. Et c'est un peu le message qu'on veut transmettre au global avec ce projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des problématiques environnementales. Mais si on avance tous dans le même sens, en fait, c'est facile de retransformer une dalle en béton, puisque là, on est vraiment sur une dalle en béton, en quelque chose de plus verdoyant. Après, c'est un petit peu un contre-la-montre, comme on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va partir, on en fait le maximum. Et puis, au bout d'un moment, il y aura la photo finish, ce sera marrant. Mais en tout cas, c'est à la fois un pari et en même temps, à la fois la nature, c'est quelque chose qu'elle sait bien faire, pousser un peu partout. Donc en fait, ici, la sauge a remporté un concours? Alors nous, on fait l'occupation temporaire, en fait, entre le moment où les bulldozers vont arriver et le moment où la mairie et puis les acteurs collectivités publiques ont racheté ce terrain à MBK. Donc nous, on est dans l'entre-deux. Et donc dans cet entre-deux, on essaie de faire naître une petite vision heureuse de la ville, de pouvoir... C'est une zone d'expérimentation, donc c'est aussi une manière de susciter l'imaginaire pour les habitants alentour de ce que pourrait être demain cette parcelle. Mais alors, ça veut dire que vous savez pas si vous allez rester très longtemps ? Écoutez, aujourd'hui, on a des conventions d'occupation précaire qui portent bien leur nom, puisqu'elles durent un an. Donc, a priori, en janvier 2019, on est susceptible de déménager. Effectivement, notre projet, c'est de pouvoir peut-être faire une ou deux saisons de plus sous la forme de la prairie du canal. Et pourquoi pas, en tout cas avec certains acteurs de l'appel à projet définitif, pouvoir poursuivre peut-être sous une autre forme les activités qu'on est en train de monter ici. Alors bon, donc là, on a bien compris le projet global de la sauge. On va aller faire une petite visite de votre jardin, de la prairie du canal à Bobigny. Mais avant, j'aimerais juste que tu finisses sur l'explication de ce que vous appelez ici la ferme éphémère ou la ferme mobile. Alors effectivement, elle est éphémère géographiquement, mais on l'espère durable dans le temps. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est une occupation temporaire. Du coup, on s'est dit que l'ensemble des choses qu'on devait faire ici sont des choses qui sont démontables, transportables et si c'est pas le cas, des choses qui sont réversibles, à l'instar par exemple des bottes de paille qui sont des choses qui sont vraiment biodégradables et qu'on pourra donner au jardin partagé parce que ça fait un très bon compost une fois qu'on les a utilisées. Donc voilà comment on a conçu le projet, et donc tout ce qui est là, voilà, ça se plie, on a quelques containers, on met tout ça dans les containers et on espère pouvoir trouver un autre terrain d'occupation et pouvoir jouer avec cette ferme encore quelques années, un peu à la manière d'un cirque qui se déplace en fonction du temps et des publics. Et c'est une bonne manière aussi pour nous de pouvoir sensibiliser tout un tas de publics différents au fur et à mesure de la vie de la prairie, quoi. L'idée de la SAUGE, l'association donc, qui est à l'origine de ce jardin urbain, c'est aussi de reconnecter l'homme à la nature, non ? Ah oui, complètement. La mission vraiment de l'association, c'est qu'il y a un maximum de gens qui pratiquent une activité agricole. On dit que si tout le monde jardine 2 heures par semaine, en gros, on sauve la planète. Alors derrière ça, l'objectif c'est de dire si effectivement tout le monde jardine un petit peu, on va changer nos comportements, on va préserver par la transmission des savoir-faire qui nous paraissent essentiels, c'est-à-dire que c'est important de savoir un petit peu cultiver, de savoir semer des graines, de savoir les entretenir, et c'est quelque chose qui a tendance à se perdre, donc par ce moyen-là, on le maintient. Et puis enfin, en disant ça, c'est aussi une manière de susciter des vocations, peut-être professionnelles, à la fois, donc, comme on le disait, à la campagne, avec des gens qui pourraient s'installer comme maraîchers, ou en tout cas par les métiers du monde agricole, ou même à la ville, puisque l'agriculture urbaine commence à créer quelques emplois, donc pourquoi pas aussi des métiers peut-être plus hybrides, à la fois animateurs, à la fois producteurs, à la fois voilà, de sensibilisation au métier de l'environnement, de manière générale. Et alors, un des objectifs de votre association, la SAUGE, via cette prairie du canal, c'est aussi d'aider des communautés de jardiniers. Et vous dites alors dans des immeubles ou des entreprises ? Oui, c'est vrai qu'on anime des jardins partagés ou des jardins d'entreprise. Par exemple, on a 2 jardins partagés à Bobigny, dans 2 quartiers différents. Donc effectivement, ça permet de créer une communauté de jardiniers qui petit à petit devient autonome dans la gestion du jardin partagé. Et c'est la même chose en entreprise, c'est-à-dire qu'on est initiateur et on va dire tuteur au départ du projet, mais avec l'idée qu'ensuite les collaborateurs puissent prendre le relais et devenir de vrais jardiniers complètement aguerris dans le temps, quoi. Comment ça, en entreprise ? Ça veut dire des gens qui travaillent dans une grande entreprise, ont un petit carré et à la pause de midi et deux, ils vont jardiner ? C'est quelque chose qui fait effectivement plaisir aux collaborateurs, qui fait partie du bien-être au travail. Et donc ça fait partie des activités, de la palette d'activités que les collaborateurs peuvent avoir. Là, récemment, on a gagné un projet dans les pariculteurs. Et donc, on va faire un jardin dans une copropriété d'entreprise. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est plusieurs entreprises qui sont associées. Et donc, plusieurs salariés d'entreprises différentes vont venir jardiner en pied d'immeuble ensemble. C'est plutôt une bonne idée. Enfin, voilà, c'est une perspective assez sympa pour nous. Vous faites aussi d'autres types d'événements ou des animations aussi autour de la nature ? Oui, là prochainement on fait la fête de la SAUGE par exemple à la fin du mois de septembre. Et, c'est la récolte ? Alors la récolte c'est un peu tout le temps, mais on va utiliser effectivement pas mal de la récolte pour faire une grande soupe. On a pas mal de citrouilles, de courges, etc. donc qu'on va pouvoir utiliser. Et à cette occasion, il y aura plein d'ateliers de jardinage, évidemment, également aussi des concerts, mais aussi c'est l'occasion de faire venir, par exemple, il y a une ferme voisine, les fermiers de la Francilienne, qui vont nous prêter leurs chèvres, donc ça fait l'occasion aussi de parler d'éco-pâturage, de faire plaisir aux enfants, parce que c'est quelque chose qui les amuse, et ainsi de suite, de créer voilà, plein de petits liens avec des animations, mais pourquoi pas du théâtre aussi, avec les associations de Bobigny, etc. D'accord. Aujourd'hui, vous ne recevez pas encore des écoles ? Les écoles, pas trop, parce qu'en fait, comme nous, on s'inscrit dans un temps très court pour l'éducation nationale. 1 ou 2 ans, c'est à peine le temps de commencer à discuter avec eux. C'est vrai qu'on n'a pas poussé plus que ça la conversation. En revanche, on a pas mal travaillé avec les centres aérés, les centres de loisirs de la ville de Bobigny. Donc, ce qui fait que les enfants viennent, peut-être hors du temps scolaire, mais ils viennent quand même sur la ferme. Bon, on va faire un petit tour dans ce jardin. Allez. Alors en fait, l'idée, c'était d'avoir des espaces différents qui portent des noms de biotopes différents également. Bon, en vrai, dans biotopes, vous allez voir, certains sont évidents, d'autres sont un peu plus créatifs. Mais là, par exemple, le premier qu'on voit là, c'est le potager urbain. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un potager vraiment en pied d'immeuble, dans une cour, une copro, etc. Quelles sont les choses qu'on pourrait utiliser pour faire un petit potager, petit jardin partagé. Mais alors du coup, il y a la question qu'on peut se poser. Vous faites pousser des légumes, mais ils sont pas contaminés par l'ancienne activité qu'il y avait ici ? Non, parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est hors sol, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le sol qui était présent et on va rajouter un sol par-dessus. Donc ça se fait par l'intermédiaire de bottes de paille, par exemple, sur lequel on a un grand jardin en bottes de paille, mais aussi des bacs donc, qui sont isolés du sol, dans lequel on va rajouter de la terre ou du compost, ou d'autres techniques d'agriculture urbaine qu'on vous invite à découvrir si vous passez l'après-midi. Donc on a différents bacs qui nous permettent de nous isoler donc du sol, qui effectivement en ville est souvent pollué, donc on ne peut pas utiliser. Et donc là on utilise par exemple les bacs New City, qui sont des bacs à réserve d'eau. New City, c'est une start-up avec laquelle on travaille souvent, on aime beaucoup leurs produits parce que justement ils sont à la fois très pratiques à monter, on assemble quelques tubes en alu, il y a un géotextile, donc il y a des bonnes propriétés agronomiques et on a une bonne réserve d'eau, ce qui fait que la réserve d'eau c'est quelque chose qui est très pratique parce que en milieu urbain on n'a pas de terre. La terre normalement elle conserve l'humidité et donc là sinon on passe notre temps à arroser, donc le fait d'avoir une réserve d'eau ça évite l'évaporation de l'eau et donc ça évite d'avoir à arroser tous les jours, donc là on peut partir une semaine et on est tranquille. Mais on utilise aussi les smart pots, qui est quelque chose de beaucoup plus, donc juste du géotextile on va dire cousu et qui nous permet de faire d'autres petites cultures. Sinon ça peut s'auto-construire aussi ou Oui, alors un peu plus loin on en a fait quelques-uns aussi par nous-mêmes, ceux qui sont près du container là par exemple, donc pour ça on fait pas mal de tutos donc qui sont disponibles sur YouTube, sur notre Facebook, on en a une bonne vingtaine qui nous explique comment on peut faire un peu toutes ces petites choses par nous-mêmes aussi. On a également une serre là qui nous sert beaucoup de pépinière, qui est faite par une start-up qui s'appelle MyFood, qui propose en fait sur 22 mètres carrés de nourrir toute l'année une famille de 4 personnes et d'être autosuffisant en fruits et en légumes, donc sur 22 mètres carrés. Donc c'est ça aussi c'est intéressant de se dire qu'avec les technologies, mais quand je dis technologies, certaines sont issues de la permaculture et d'autres sont beaucoup plus innovantes. On peut vraiment nourrir une famille sur des toutes petites surfaces. Donc en ville, c'est vrai que ça change un peu les paradigmes du jardin de famille. Alors deux start-up, ça veut dire, c'est vrai que quand on regarde votre projet, vous travaillez en collaboration avec beaucoup de jeunes petites entreprises, des gens qui, comme toi en fait, partagent un peu la même utopie d'aller vers la transition écologique et sociale et de changer la ville et de changer la vie des habitants en montant leurs petites sociétés qui ont du sens. Ça fleurit vraiment beaucoup les petites start-up dans ce... Ouais, complètement. Je pense qu'il y a effectivement maintenant beaucoup d'entreprises qui se créent et qui ont avant tout une visée sociale ou en tout cas sociétale. Et nous, on essaie d'en mettre quelques-unes en lumière qui nous paraissent pour nous les plus séduisantes et en tout cas les plus en correspondance avec ce qu'on développe ici à la prairie. Ouais. Donc dans cette petite serre, là, vous faites vos semis ? Là, ouais, on commence à... Enfin, normalement, il y a le potager d'hiver. Donc en fait, à partir de l'été, on va dire à partir de juillet, on commence à mettre en culture les légumes qu'on va mettre en terre à partir de septembre, octobre. Donc là, on va retrouver tous les choux, choux cage, choux de Bruxelles, choux fleurs, choux paumés, etc. Donc tous ceux qu'on va manger pendant l'hiver. Mais on va aussi, je pense, mais là, on les met directement en terre. Mais normalement, tu mets en terre aussi tout ce qui est tes carottes que tu vas manger, qui sont les carottes de conservation, les radis noirs. Tu dois pouvoir, encore dans la serre, si tu peux relancer une dernière fois des haricots, quelques concombres, parce que ça tient un peu la chaleur. Là, on voit qu'il y a des melons, par exemple, qui ne se portent pas trop mal. Et puis ça permet d'allonger un petit peu la saison des cultures pour certaines choses, pour avoir les dernières tomates en octobre-novembre, c'est encore possible sous la serre. Donc ça, c'est un module d'aquaponie et avec des poissons. En fait, les déjections des poissons sont riches en ammoniac. Les bactéries vont casser ça et ça va transformer ça en azote dont les plantes ont besoin pour se développer. Et donc de cette façon-là, les plantes vont pouvoir grandir, absorber l'azote. Du coup, elles passent dans le circuit avec notamment les billes d'argile où il y a d'autres petites bactéries et ça va filtrer tout ça, se recharger en oxygène et retourner propre à la consommation pour les poissons. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primes vertes. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination. Donc là, c'est vraiment l'agriculture hors sol qui, pour certains, n'est vraiment pas la solution écologique. Alors, sur les problèmes écologiques, je pense qu'il y a du vrai, il y a du faux sur la partie hydroponie. Le faux, c'est qu'en fait, on pense souvent à des systèmes de hydroponique ouverts où en fait, on fait rentrer de l'eau avec plein de substrats et en bout de chaîne, ça va directement dans les nappes phréatiques. Donc, ça va polluer énormément les sols. Là, on voit que c'est un circuit fermé, donc on a une vraie économie d'eau, on a une bonne utilisation de la ressource. Le problème qu'on voit quand même, c'est comme vous le voyez, alors nous c'est tout petit, mais il y a quand même beaucoup de plastique. Mais on ne sera pas surpris de voir quand même que la plupart des exploitations, même bio, utilisent énormément de bâches plastiques pour s'éviter aussi pas mal de boulot. Donc c'est à comparer. Je veux dire, moi je ne suis pas spécialiste des deux, mais c'est à comparer. Et puis l'autre problème, c'est que les intrants qu'on met, les engrais, sont pas des engrais complètement biologiques. Certains sont minéraux. Et notamment, on va parler du phosphore. Phosphore, mais c'est une denrée qui est utilisée énormément dans l'agriculture conventionnelle aussi. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a comme un pic pétrole, on a aussi un pic phosphore qui est en train d'arriver. Et là, se pose la question de la pérennité en fait des systèmes en hydroponie, notamment à cause de ça. Maintenant, il y a des gens qui bossent sur la bioponie, c'est comment est-ce qu'on va rendre le plus biologique possible ces systèmes hydroponiques. Et je vous invite à regarder par exemple les travaux d'un jeune couple qui s'appelle Les Sourciers, qui sont dans le Gers et qui travaillent sur ça. qui font des expériences assez sympas et qui justement réhabilitent un peu et font changer un peu le discours autour de ça. Je pense qu'encore une fois, et ce qu'on essaie de montrer là, c'est que c'est pas l'outil qu'il faut incriminer, c'est pas le problème de l'hydroponie, mais c'est l'utilisation qu'on va en faire et la perspective dans laquelle on va l'utiliser qui est vraiment importante. Ici, c'est le container dans lequel on cultive normalement des champignons sur mare de café avec une autre entreprise qui s'appelle La Boîte à Champignons. Bon, cette année, malheureusement, on a un peu manqué la saison sur les champignons, mais en tout cas, ça peut être juste de rappeler ça, c'est que cette entreprise récolte du mare de café auprès des sièges des grandes entreprises. Il y a énormément de mares qu'on n'utilise pas. Ils inoculent le mycélium, donc c'est la racine du champignon, pour produire des pleurotes sur mare de café. Et là, regarde, sur un conteneur de cette taille-là qui fait donc 12 mètres de long, on peut produire presque une tonne de champignons quand il est vraiment équipé, une tonne de champignons par semaine. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, notamment dans l'utilisation des sous-sols de nos villes qui sont de toute manière minéralisées. Comment est-ce qu'on peut avoir quelques productions intéressantes qui ne se justifient pas à la campagne, mais qui peuvent être intéressantes en ville avec une vraie fraîcheur, etc. Donc, comme c'est le cas, par exemple, des pleurotes ou... autre qui est assez connu comme ça, c'est le shiitake, qui est un champignon japonais. Et puis ici, on a un petit champ de culture qui s'appelle la milpa. C'est un système amérindien. C'est un des grands symboles de la permaculture où en fait, on va mettre ensemble des courges, des haricots et du maïs qui vont pousser et on va avoir des complémentarités entre les plantes. Et le maïs qui va... puiser ses racines assez profondément dans le sol, donc récupérer les minéraux qui sont présents dans le sol, les faire remonter à la surface pour que les deux autres puissent les manger. Le haricot qui, lui, va prendre l'azote dans l'air et va le fixer dans le sol, donc pareil, les autres vont pouvoir en bénéficier. Et les courges qui va faire un vrai couvre-sol, préserver l'humidité et également éviter le développement des adventices. Donc ça, c'est un des systèmes vraiment permacoles qui est souvent mis en avant. Et puis c'est également une complémentarité dans l'assiette. C'est pour ça que les Amérindiens, ils avaient quand même quelques bonnes idées sur l'agriculture. Ouais, pour préparer un peu. Pensez à regarder s'il n'y avait pas des plantes mortes à enlever ou des vieux pieds de tomates qui ont coupé. Là, c'est la partie, on va dire, donc là, on a dans la serre, on va dire des professionnels où on dit aux gens si demain vous voudriez vous installer en tant qu'agriculteur urbain professionnel, quelles sont les techniques que vous êtes susceptibles d'utiliser. Donc on a trois techniques d'hydroponie, donc les bacs noirs et puis les deux bacs qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des techniques, mais en gros l'hydroponie, c'est ce qu'on a expliqué avec l'aquaponie tout à l'heure, c'est-à-dire que les plantes vont se développer uniquement dans l'eau. Mais là, au lieu que ce soit les poissons qui apportent les nutriments, c'est des nutriments qu'on apporte directement, donc sous la forme d'engrais, quoi. Et donc voilà, pour nous, c'était important de pouvoir montrer aux gens ce que c'était, qu'il se passe une idée là-dessus. Le dernier espace, c'est quelque chose de très agroécologique, puisqu'il s'est fait à partir de palettes. On est dans un substrat, en terre terreau. Et là, on va cultiver aussi pas mal de choses, et on voit que ça produit très bien. Et ça, ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Olivier Durand, qui est agriculteur à Nantes et qui a monté en fait une petite exploitation en ville. Donc c'est une des premières initiatives où en fait souvent, et à l'instar d'Antoine et moi et puis les gens qui nous aident globalement, c'est des urbains qui se mettent à l'agriculture, qui découvrent un peu le sujet. Et là, c'est vraiment un agriculteur qui s'est pris d'affection pour le sujet et qui a créé une exploitation en ville. Donc je pense qu'on est allé au début d'un épiphénomène où là aujourd'hui c'est les urbains qui s'y mettent, mais peut-être demain ce seront les agriculteurs qui seront à l'initiative de ce mouvement-là. Donc avec Olivier, c'est vrai que c'était important de le mettre en lumière avec ce petit bout de jardin. Après rapidement, donc du coup pour les autres systèmes de culture, donc il y a une unité de spiruline. Donc on produit cette spiruline dont on entend aussi souvent parler, qui est une cyanobactérie, qui est produite dans les sous-sols de la ville par une entreprise qui s'appelle Algorapolis. Donc là, ils nous ont prêté une petite unité pour que nous, on expérimente, on apprenne un peu comment ça fonctionne et qu'on puisse également en parler avec les gens. Et donc là, c'est l'intérêt de ces protéiques, en fait. C'est effectivement au niveau des apports en protéines, c'est 10 ou 15 fois plus qu'un steak ou quelque chose comme ça, enfin c'est vraiment important. Donc c'est une vraie alternative là effectivement à un des problèmes majeurs qui est lié à la production de viande et de protéines animales. Effectivement, dans les nouveaux aliments, la spiruline est décrite comme un grand avenir. Là, c'est le jardin en paille. Donc, c'est une technique qu'on est vraiment très surpris et très content d'utiliser là. Donc, on a une botte de paille. Par-dessus de la botte de paille, on met un engrais vert. Donc, nous, on utilise la drèche de bière. La drèche de bière, c'est le résidu du brassage traditionnel. En fait, il y a pas mal de brasseries qui commencent à s'installer en ville. Ils brassent donc du malt d'orge, donc c'est de l'orge qu'on torréfie autour de 40 degrés, etc., qui vont tremper dans l'eau bouillante pendant à peu près une heure. Et ce qui ressort, c'est un peu à la manière d'un grand sachet de thé, ce qui ressort, c'est ce qu'on appelle la drèche. Et cette drèche, c'est quelque chose que eux n'ont aucune utilité, mais qui en fait est assez utile dans le jardin, parce que c'est resté longtemps dans l'eau chaude et c'est resté, donc ça n'a pas de bactéries et c'est très riche en azote. Donc nous, on va le mettre sur les bottes de paille. Ça, après, on arrose la botte de paille et la drèche régulièrement. Il faut même que ça reste humide pendant 3 semaines. Ça lance un petit cycle de décomposition. Donc c'est que c'est bon, les champignons sont arrivés, on a besoin des champignons dans la terre, très souvent. Enfin voilà, c'est indispensable d'avoir d'avoir un sol mycorhizé, on appelle ça. Et de là, après, ça pousse. Donc là, on fait pousser vraiment tout type de légumes. C'est quelque chose en chez soi, voilà, même si on s'y prend tard, en 3 semaines, on a démarré un jardin. Ça demande vraiment très très peu de connaissances de jardin. Nous, on a planté nos pieds de tomates, nos courges. Voilà, enfin là c'est ce que je vois là sous, mais je vois aussi des aubergines. Voilà, on a tout essayé, tout fonctionne, des choux, tout a fonctionné sur cette technique là. C'est hyper facile à prendre en main. Le seul truc, c'est que ça demande un peu plus d'arrosage, parce que du coup la paille, c'est hyper drainant, donc l'eau a tendance à vraiment circuler. Donc là, par contre, il faut arroser assez régulièrement, surtout si on a un sol en béton en dessous. Là, on est devant un poulailler qui sont 2 containers superposés, et en fait sur le conteneur du dessus, il est complètement évidé, et à la place il y a une structure en bois qui a la forme d'une poule. Et ça, c'est un concept qui a été imaginé par un designer qui s'appelle Damien Chivial. Le projet s'appelle 3, et c'est pour montrer que la réintroduction de la biodiversité et de la culture en ville peut se faire et va se faire dans les prochaines années. Donc bah, nous, on a restauré un peu le projet avec une entreprise qui s'appelle Magali, qui vend des poules et des aliments pour poules au grand public. Et donc comme ça, on a aujourd'hui 8 habitantes de ce poulailler, donc voilà, c'est leur maison. Et alors, les poules en ville, ça se développe ? Écoutez, ça se développe un peu. En tout cas, c'est vrai que la poule, c'est quand même un super auxiliaire de culture. Ça mange quand même pas mal de choses que nous, on ne veut pas. C'est très facile d'entretien, on peut récolter facilement les œufs. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande. Et puis, en vrai, c'est hyper sympa et hyper affectif aussi, une poule. Donc, Et on peut l'élever, on peut lui dire là où elle n'a pas le droit d'aller dans le jardin, là où elle peut aller. Ouais. C'est vrai qu'elle mange les limaces, surtout au printemps, c'est très pratique. C'est ça. Et puis également aussi, quand on retourne la terre, elle va manger un certain nombre de faux semis, etc. Donc, elle va aussi enlever pas mal de petites graines qu'on n'a pas envie de voir germer, etc. Non, c'est sympa, les poules. Puis le chien aime bien leur courir après aussi. ça, c'est une autre serre, mais qui est plutôt on appelle ça la serre partie. Donc, c'est notre salle polyvalente. Qui aujourd'hui est bien encombré, mais quand il fait pas beau ou quoi, on peut s'en servir. Peut-être l'an prochain va se transformer en pépinière. En tout cas, c'est le projet qu'on a, c'est de développer une petite activité de pépiniériste. Ici, on a le mandala. Donc le mandala, c'est une forme traditionnelle indienne qui est réputée pour favoriser les bonnes énergies. Que là, nous, on utilise sous la forme d'un petit jardin de plantes médicinales pour faire passer un mot qui est qu'avec un bon jardin, on a toutes les recettes qui sont essentielles au quotidien, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se soigner, peut-être, et en tout cas se prémunir d'un certain nombre de petits bobos du quotidien sans passer par la case cachet. En tout cas, moi, je touche du bois, mais ça fait un petit moment que je ne suis pas tombé malade, quand même, depuis que je suis au grand air. Et donc, au milieu, c'est un dôme. Et au milieu, il y a un petit dôme géodésique qui est fait par une association, encore une fois, qui s'appelle Iciterre, qui, eux, développent une technique, en fait, qui associe la méditation et le jardinage. Eh bien, il ne reste plus qu'à dire bonne chance. Hein, on va vous suivre, voir si effectivement votre jardin reste ici ou se déplace. Mais oui. Le projet est sacrément déjà bien avancé, avec beaucoup de bonne volonté. Hein, vous avez un bon groupe de bénévoles. Oui, de bénévoles, des services civiques. Puis il y a même des gens qui commencent à nous rejoindre sur des missions même qu'on peut rémunérer. Donc c'est bien. Donc le projet a trouvé aussi des ressources pour durer dans le temps. sur Paris, voilà, je ne sais pas ce qu'il en serait, mais en tout cas, on démarre un projet à Nantes, ça c'est sûr, à partir de 2019. Donc sur l'île de Nantes, on démarre quelque chose printemps 2019. À suivre. Ouais. Merci. Merci à vous. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.